Thank you.

Couillant, c'est fort. Oula, ça souffle. Salut Double Bass. We'll be right back. Thank you. Dan et Marco dans la place. Are you ready? I'm looking for... Ah, qui c'est qui fait? Alors, Sparkorn, piano. Checkman à la batterie. Danny à la basse. Et Joe à la guitare. Ok. Are you ready? Looking for piano. Is the piano ready? Are you ready, Sparkorn? Sparkorn! Royaume-Uni. Ou France, je sais pas. Tu es du Royaume-Uni? Once? Ok. Just one. I'm looking for lyric. Mm-hmm.